Ok, yes, c'est l'homme qu'on appelle Daddy Clean. Rico, écoute ça, ça ne vient pas de Kingston Town, non, non, non. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, je te le dis, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on passe sur l'instrumental. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on passe sur l'instrumental. Fier de nos racines, on vient présenter nos quartiers, nos villes. À chaque prise de mic et sur chaque rythme, y'a pas qu'à Marseille ou Paris qui a du style. Écoute celle-ci, l'action se passe dans la banlieue ville. C'est deux MC en combinaison, on est là pour les bonnes vibrations. Sous le même drapeau nous unissons, on chante tous les deux pour les mêmes raisons. Je sais que tu kiffes, augmente le son d'Ali Clean Rico sur la version. On vient porter bien haut les couleurs de notre région. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, je te le dis, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on pose sur l'instrumental. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on pose sur l'instrumental. On vient du Nord, on le revendique à mort. Fier de notre patrimoine, on multiplie nos efforts. Viens dans notre vibe, on t'accueille les bras ouverts. On avance, coup de collet pour un jour apercevoir la lumière. Le potentiel est là, tu ne peux pas faire sans le remarquer. La mélodie, le flow, les lyrics, tous réunis pour t'égayer. On met un coup de pompe au destin pour inverser la tendance. Pour voir le soleil briller comme dans le sud de la France. Chez nous, beaucoup d'artistes, chez nous, beaucoup de sons de système. Chez nous, on bosse chaque jour dur pour faire tomber leur système. Chez nous, y'a pas beaucoup de moyens, mais on se mettra jamais à genoux. Quitter ce monde dans la dignité est essentiel pour nous. On ne fera jamais du reggae music un business, non. On ne fera jamais de la misère notre fond de commerce. Authentique au micro, on donnera jamais nos fesses. On joue pas reggae music pour remplir un tiroir. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, je te le dis, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on pose sur l'instrumental. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on pose sur l'instrumental. Mais remettons les pendules à l'heure, je suis un artiste indépendant qui ne perd pas son temps. Un peu d'inspiration, mais nos vies ne sont pas celles de nos idoles ni celles de nos parents. Le positif dans tout ça, c'est que l'on ne baisse pas les bras. Pas d'histoire de se sous-estimer, ici nous sommes les rois. Regarde en Allemagne, ils ont créé quelque chose. Nous avons la même envie que donner du brand new à grosse dose, ouais. Notre son est spécial, notre son est original. Notre son n'est pas une pâle copie de Jamaïcane. C'est dans l'histoire de nos vies que l'on puise nos écrits. La sincérité, c'est ce qu'on a choisi. Rude boy, sois fier de ta culture, elle est pour toi la base de ton futur. Oh, rude boy, sois fier de ce que tu es. Tu viens du NORD. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, je te le dis, c'est pas du commercial. On différé de Roubaix, c'est pour faire vibrer Densal. C'est pour le peuple qu'on est ici, qu'on pose sur l'instrumental. C'est Madiné, Noël Bénon, c'est pas Madin Taiwan. C'est pas du second choix, c'est pas du commercial. On dit...